la France c'est die, car je casse à Dakar, pays d'accueil et Dakar, je vais tomber le trois quarts, car Kaira ou pas, Nam, paraît que ça caille là-bas, je me carapate chez Caraba, histoire d'avoir la caille là-bas, en palabre on se fait plaise, rendez-vous à la playa, voilà, oublie pas la braise, pour le deuxième Ataya, à l'aise avec les galbelles, sénégalaises, galbées au scalpel, qui met les fennecs à l'ouest, dans mon petit crâne, y'a un Mike et un Baobab, Head Deacon, tout ça c'est au bas au bas, je me fous que ça dérange, que ça fasse Jeff ou Jen, ce son est pour ceux qui mélangent le cassoulet au Jeff ou Jen. Casamassoukol, Nogendon, Banifan, Nata Konton, Assalam Aleikoum, Banifan. J'écris des rimes en rafale, made in Tupac chaque jour, mix en rap et baïfal, j'suis Serine Tupac, chaque cours m'amène le même mec. Local à la scène pour les go et les gages à scène de la go locale scène pour l'heure on dit tout ce que le cœur peut penser tout bas boule tout couleur on kiffe tous le café tout bas avec joie on joue le jeu c'est faut dire qu'on fout le feu s'il faut on fout le feu on flot sur la foule bleue le son est casamancé et tu connais quasiment ça tu balances la sic en scène c'est déjà un classique en salle fireball les trafiquants d'armes et bailleurs de bâtiments sales c'est pour les merdes d'Afrique en larmes qu'on vient kicker l'instrumental casamance Manifan, Natal Konton, Assalam Aleikoum, Manifan. Le monde est malade, y'a pas que fou et grand corps, vu comment l'État nous balade, dis-nous. Faut des renforts, quel est le con qui a dit? Quand y'en a plus, y'en a encore. Sûrement un porc, la bouche pleine, se faisant bronzer sur Ngor. Y'a Moultavi qui Moultavi, plus ou moins Soudanis. Mise des sous dans des joutaris, qui jusqu'à ce qu'un Moulranis. De Panjoulanis, la foule s'agite et toutes ses goules agissent. Surtout toi, fils, avant que sur ton cou se resserre l'écrou la vis. Jeune du monde, reste le point si tu m'entends. On est cette relève qui laisse le bitume en sang. Ici, les jours s'écoulent à la vitesse où se consume l'encens. J'aime voir ses frères qui fêtent leur coutume ensemble. Oui, ici, Baptiste et Saïd passent Noël ensemble et font le dipi à l'Aïd jusqu'à voir sa moelle en cendre. Une vie qui diffère des nôtres, mais qu'en vaut tellement sang. Je pense qu'il est temps qu'on prenne ce modèle ensemble. Casamassoukol, Nogendon, Banifan, Natal Konton, Assalam Aleikoum, Banifan. Casamassoukol, Nogendon, Banifan, Natal Konton, Assalam Aleikoum, Banifan. Ok, c'est reparti pour le der des drops. Là-bas, c'est bon, le son résonne. Oh, nerf, les drops, auto-ressources. Sur la première terre des hommes, laisse la basse te bercer comme le dernier trop. Mais le soleil cogne sec au pays de Tchonsek. On fait ça pour ceux qui savent, ça y est, yeah, roughneck. Sortez les gris-gris comme à la veille d'un France Galzen. J'écorche tellement le beat que les oreilles de France Galzen. Hallucinant, on te coffre pour un vol à l'usinor. L'état détourne plus qu'un film de Mosinor. Tout ça grand comme quand le nouveau Alpha Bloody sort. Ici les gosses sont plus hardcore qu'une cave à Bondi Nord. Une pensée aux disparus, du sida ou du palu. L'OMS a fait des règles mais faut croire qu'elle les a pas lues. Parce qu'ici les mioches et les vieux n'ont jamais vu de l'Ariam. Pourtant c'est Roche qui a les yeux à Amadou et Mariam. Thank you.